Mais c'était qui, Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu d'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à enseveler le corps. Par les dunes, on peut t'aimer. juste toi et moi. Juste toi et moi. Thank you.